très bel après-midi. Merci d'écouter nos programmes. Voici tout de suite Histoire vivante. Jean Leclerc et Frédéric Pfeiffer vous proposent Histoire vivante. Le 7 janvier 2002 débutait sur les antennes de la première l'émission Histoire vivante. 17 années plus tard, à l'heure des huiles solaires et autres onguents estivaux, nous vous invitons à replonger dans les eaux fraîches des archives. Bon, on ne sait pas si c'était mieux avant, en tout cas, ça donnait ça. Bien, je dirais d'abord, pour l'avoir bien connu vraiment, que c'était un homme politique d'une envergure et d'une intelligence exceptionnelle. Cette semaine, meurtre à Stockholm. Je suis convaincu qu'il ne s'agit pas d'un complot. Ce crime n'a été perpétré que par une seule personne. La mort d'Olof Palme. La mort a été reçue comme un choc par les Suédois. Personne ne soupçonnait que semblable attentat pouvait survenir, surtout ici. Après 21 mois d'enquête sur l'assassinat du Premier ministre suédois Olof Palme, la police suédoise décide de frapper un grand coup et d'offrir une récompense des plus alléchantes pour retrouver le ou les responsables de ce meurtre. Les enquêteurs s'en tiennent à la même théorie depuis 15 ans. Cette semaine, il s'agit donc d'un nouvel assassinat politique. L'assassinat de celui qui fut Premier ministre de Suède pendant 2 mandats. Une véritable figure que nous évoquions hier, entrée très tôt en politique, en adhérant au Parti social-démocrate, aux côtés de Tage Erlander, le père spirituel de la social-démocratie en Suède, dont il prendra, après la retraite de ce dernier, tout l'héritage. Un Premier ministre qui, bien qu'ayant toutes les peines du monde à obtenir une majorité nette à l'intérieur de son pays, saura imposer la Suède sur le plan international. À la fois par ses prises de position non ralliées à celles des capitales étrangères, se rangeant volontiers du côté des Tchèques quand ceux-ci sont envahis par l'URSS, des Vietnamiens quand ceux-ci voient leur pays bombardé au napalm, ardent défenseur du tiers-monde, ami d'Ortega, de Castro, d'Arafat, et dans le même temps figure incontournable du modèle suédois en vogue au cours de la décennie 70, Olof Palme laisse le souvenir d'un homme charismatique, atypique, engagé, capable de galvaniser les plus indifférents. Comment cet homme a-t-il été assassiné? Comment le monde a-t-il réagi à la nouvelle? Comment l'enquête s'est-elle aussitôt engagée? Voici notre nouvel épisode d'Histoire vivante. Chapitre 1. Autopsie d'un meurtre. Fin d'après-midi du vendredi 28 février 1986, Stockholm. Le photographe John Valberge est convoqué dans le bureau du Premier ministre Olof Palme. Et ja, sen så sa vi adjö och tog. On s'est serré la main et on s'est dit au revoir. Et il a dit, j'ai vu sur la liste que vous nous accompagnez à Moscou. J'ai répondu, oui, c'est exact. Eh bien alors, on se revoit à Moscou, si ce n'est avant. Et puis on s'est séparés. Comment l'aviez-vous trouvé? Il était de bonne humeur. Il riait et plaisantait. En ce vendredi, il règne une atmosphère de gaieté à Rosenbad, siège du gouvernement suédois. Olof Palme va profiter d'un de ses trop rares week-ends de congé. À 17h30, sans escorte, comme à son habitude, il rentre chez lui à Gamla Stan, dans le vieux Stockholm. La nuit est tombée. Monsieur et Madame Palm décident d'aller au cinéma. Ils vont prendre le métro, sans aucun garde du corps. À 20h30, ils quittent leur domicile. Au même moment, Ulla Strombach rentre du travail. En arrivant à cet endroit, j'ai entendu un bruit. Comme si quelqu'un venait de sauter de la grille là-bas. Un homme s'est dirigé par ici et je l'ai observé. Il a traversé derrière moi et il s'est arrêté devant cette porte. Je me suis dit, pourquoi est-ce qu'il reste là ? Il y a eu un bruit. Ensuite, l'homme a sorti quelque chose de sa poche. C'était un talkie-walkie et il s'est mis à parler à quelqu'un. Des hommes munis de talkie-walkie sont repérés depuis la maison des Palmes. Et il y en a d'autres. Peu de temps avant que les Palmes n'arrivent à la station de Gamlastan, un autre homme utilise lui aussi un talkie-walkie caché sous sa veste. Le préposé au guichet remarque un homme qui semble suivre les Palmes. Le conducteur du métro voit deux hommes suivre Olof Palme et sa femme à l'intérieur de la rame. Le cinéma est situé à Svevgen, entre le deuxième et le troisième arrêt de métro. Mais le couple continue jusqu'à la troisième station, Romansgata. Le conducteur remarque que les deux hommes qui sont entrés dans la rame de métro à la suite du couple en descendent en même temps. À 23h10, le film est terminé. Olof Palme et sa femme décident de rentrer chez eux à pied. Tout près du cinéma, un policier ne se sert pas de la liaison radio habituelle, mais d'un talkie-walkie. On entend un ordre et une voiture de patrouille démarre en trombe. À 23h10, Olof Palme traverse la rue. Sa femme s'est arrêtée pour regarder la vitrine d'un magasin. À 200 mètres de là, le témoin Christian rentre chez lui. Deux hommes munis de talkie-walkie se tiennent devant la vitrine d'un magasin vide. Il n'y a personne d'autre aux alentours. Christian prend peur. Il fournira plus tard cette information à la police. Personne alors ne lui dira qu'un de ces hommes est un policier. Mais Christian, dès lors, recevra des menaces par téléphone. 23h20. Olof Palme et sa femme continuent leur chemin, rue Svevagen. Au coin de Tunnelgatan, ils dépassent le magasin de peinture Decorima. Depuis 3 minutes, un homme se tient sur le pas de la porte. Il est exactement 23h21. Les Palmes arrivent devant chez eux. Madame Palme se trouve à 2 pas devant son mari. L'homme s'avance. Olof Palme meurt sur le coup. Solmer est un peu l'équivalent de Piazzolla pour la musique traditionnelle suédoise, car il s'en inspire sans vraiment faire du folk. Ce titre date de 1981, Inga Pengar. Chapitre 2. Répercussions, enquête, contre-enquête et ainsi de suite. Les réactions à Stockholm par Alain Bergwitz. La mort de Olof Palme a été reçue comme un choc par les Suédois. Personne ne soupçonnait que semblable attentat pouvait survenir, surtout ici. La preuve, c'est que le Premier ministre suédois s'était rendu au cinéma, en famille, accompagné de sa femme et d'un de ses fils, comme un citoyen ordinaire, sans escorte, sans garde du corps. Et c'est en sortant du cinéma dans le centre de Stockholm un homme s'est approché du Premier ministre et lui a tiré une balle dans le dos. Sa femme était d'ailleurs légèrement blessée. Il était alors 23h30. Le chauffeur de taxi était témoin de l'attentat et avertissait aussitôt la police. Mais l'assassin avait eu le temps de prendre le large. Immédiatement transporté à l'hôpital où Olof Palme ne pouvait être sauvé, sa femme atteinte légèrement pouvait quitter l'hôpital dans la nuit et aussitôt la police ratissait le centre de Stockholm, mais semble-t-il sans aucun résultat. Plusieurs témoins sont actuellement interrogés. On évoque d'ailleurs la possibilité d'un tueur et d'un complice, mais pour l'instant la police se refuse à tout commentaire, démentant même les rumeurs prétendant qu'il pourrait s'agir d'un acte de vengeance du mouvement séparatiste croate ou Stasi. Spontanément, des milliers de Stockholmois sont venus s'incliner en ce samedi ensoleillé sur le lieu de l'attentat. Une flaque de sang, maintenant parsemée de fleurs. Les réactions de Pierre Graber, ancien conseiller fédéral socialiste, le 1er mars 1986, lendemain de la mort d'Olof Palme. Pierre Graber est au micro de Jean-Marc Béguin. Bien, je dirais d'abord, pour l'avoir bien connu vraiment, que c'était un homme politique d'une envergure et d'une intelligence exceptionnelle, comme on en rencontre peu dans sa vie. Je voudrais faire cette remarque tout de suite, c'est que manifestement, ce n'était pas du tout un homme issu du peuple et ému d'abord par des sentiments du cœur et de l'esprit. C'était vraiment Palme, vous savez, le produit d'une grande bourgeoisie intelligente que sa liberté d'esprit et son intelligence précisément avaient amené à critiquer très sévèrement et sans concession une société dont il condamnait les insuffisances et les injustices. Et je pense que c'est de là qu'il faut comprendre un engagement personnel très très profond, enfin exceptionnel, en faveur des réformes qu'il jugeait nécessaires pour équilibrer un peu mieux à l'échelle mondiale la situation des pays riches et des pays pauvres. Vous savez bien qu'une de ses préoccupations essentielles, c'était de travailler à progressivement atténuer les disparités qui existent entre le monde industrialisé et le tiers-monde. Il y voyait une source de tension extrêmement grave pour la paix. Et c'est dans la mesure, à mon avis, si vous voulez, où il est attaché à cet aspect des choses, qu'il se sera distingué de beaucoup d'hommes politiques qui se contentent, enfin, de s'occuper des affaires de leur propre pays. Novembre 1987, journal du matin de la radio suisse romande. Après 21 mois d'enquête sur l'assassinat du premier ministre suédois Olof Palme, la police suédoise décide de frapper un grand coup et d'offrir une récompense des plus alléchantes pour retrouver le ou les responsables de ce meurtre. 50 millions de couronnes suédoises, 12 millions et demi de nos francs. Comment interpréter cette surenchère? L'analyse de Françoise Nieto à Stockholm. 50 millions de couronnes, c'est la récompense la plus élevée jamais promise en Suède, mais c'est peut-être aussi la dernière carte sur laquelle comptent les enquêteurs pour enfin résoudre le problème. Car si les 500 000 couronnes de primes promises en mars 1986 n'avaient pas donné de résultat, les 5 millions annoncés en février dernier n'en avaient pas donné davantage. Alors que faut-il attendre d'une nouvelle multiplication par 10? Nous espérons, disent pourtant les responsables de l'enquête, que c'est un argument suffisamment alléchant pour briser la loyauté, par exemple, au sein d'organisations à la discipline interne rigoureuse. Alors, si organisation il y a, quelle est-elle? Pas de réponse de la part de la police, mais la mention « récompense payable n'importe où dans le monde par n'importe quelle banque » semblerait indiquer que la police n'exclut pas une participation étrangère au meurtre du Premier ministre. Mais les enquêteurs, échaudés par les échecs successifs de leurs prédécesseurs, reste très discret sur l'état actuel des recherches. Il se contente d'affirmer être en possession de certains éléments très intéressants qui pourraient le devenir davantage, espère-t-il, avec la promesse des 50 millions de couronnes de récompense. Je préciserai aussi, exempté d'impôts. 19 juin 1989. Oui, c'est bien lui. Êtes-vous certaine? Oui. N'y a-t-il pas l'ombre d'un doute? Non. Avec ces quelques mots qui devraient être décisifs pour l'issue du procès, Lisbeth Palme, la veuve du Premier ministre assassiné, a reconnu l'accusé Christer Pettersson comme étant l'homme qui se trouvait sur le lieu du meurtre le soir du 28 février 1986. Un moment de très grande tension dans la salle de la cour d'assises de Stockholm. Mais Lisbeth Palme n'a pas flanché, elle regardait l'accusé de face, droit dans les yeux, et elle était catégorique. L'accusé aussi était catégorique et qui a tenu à donner son avis alors qu'il n'était pas censé parler. Olof Palme, dans son ciel, ne doit pas apprécier cela, dit-il à Lisbeth Palme. Si tu crois que c'est comme tu dis, c'est d'accord. Mais si tu ne le crois pas, alors ce n'est pas d'accord. À peine a-t-il eu le temps, d'ailleurs, de finir que les policiers l'ont fait sortir de la salle. En tout cas, le témoignage positif de Lisbeth Palme devrait sauver du naufrage ce procès du siècle, comme on l'appelle ici en Suède, et qui était, il faut le dire, bien mal parti. Françoise Nieto, Stockholm, pour la Radio Suisse Romande. Olof Palme a soutenu, en tant que tiers-mondiste convaincu, la lutte contre l'apartheid. Ce titre est devenu, pendant les années 80, l'hymne des militants anti-apartheid en dehors de l'Afrique du Sud. Special AKA interprète Nelson Mandela. Vous écoutez Histoire vivante. Cette semaine, l'assassinat d'Olof Palme. Le magazine Revue du Liban, édition du 6 au 13 juin 1998. L'affaire Olof Palme, comme on l'appelle en Suède, ne pourra être définitivement classée que 25 ans après le crime, c'est-à-dire en l'an 2011. Or, à peine la décision de la Cour suprême de Suède connue, refusant la révision du procès de l'assassinat, qu'à un autre coin de l'univers surgit un élément nouveau, susceptible de faire rouvrir le procès. En effet, après avoir innocenté définitivement le présumé coupable Christer Pettersson, un Suédois de 50 ans, condamné puis acquitté, la Cour n'avait plus de nouveaux éléments pour ouvrir le procès. Or, avec la confession d'un séparatiste kurde, Semdin Sakik, qui déclare que c'est le PKK, le parti séparatiste kurde, qui a commandité l'assassinat, il semble que l'affaire Olof Palme ne puisse plus être immédiatement classée. Selon Sakik, le PKK a décidé d'éliminer Olof Palme car le premier ministre suédois voulait expulser de Suède les membres de ce parti réfugiés dans ce pays, parmi lesquels 8 étaient accusés de terrorisme. Sakik déclare qu'il n'est pas sûr de l'identité du tueur, qui aurait pu être un tueur à gages, mais qu'il est sûr que c'est le PKK qui est coupable. Sakik est actuellement prisonnier à Ankara, en Turquie. Il a été arrêté le 13 avril 1998 au nord de l'Irak par des soldats de l'armée turque. Il est soumis à de nombreux interrogatoires. Il persiste dans toutes ses déclarations pour imputer au PKK l'assassinat d'Olof Palme. Extrait de Meurtre à Stockholm, un assassinat politique réalisé en 2002. Son assassinat donna donc lieu à de multiples spéculations. Les soupçons se sont portés sur la CIA, puis le KGB. Les Kurdes ont longtemps été montrés du doigt, ainsi que divers mouvements d'extrême droite internationaux, la police secrète iranienne, les défenseurs de l'apartheid en Afrique du Sud, ou, et c'est ce que les enquêteurs aimeraient croire, un tueur isolé, sans aucun mobile politique. Mais il y a une piste à privilégier avant toutes les autres. L'homme que vous allez entendre est le premier policier à être arrivé sur les lieux du crime. Je m'appelle Gustav Söderström et je suis aujourd'hui à la retraite. J'étais en service lorsque Olof Palme a été assassiné. Ma voiture de patrouille était garée là et Olof Palme était étendu ici. Il y avait 10 ou 12 personnes autour de lui. Deux personnes essayaient de le ranimer en lui faisant du bouche à bouche et un massage cardiaque. Parmi les badauds, il y avait un homme juste là qui criait « Il s'est enfui par là ». Voici le document d'information diffusé par le chef de l'enquête. Il y est inscrit 23h23, première alerte. 10 secondes plus tard, la première voiture de police arrive sur les lieux. Je suis prêt à jurer sur la Bible que je suis arrivé à 23h30. Selon la version officielle, il s'agirait de 23h23. Cette histoire me tourmente depuis des années. Je peux prouver que j'ai raison et que le registre officiel est inexact. Cette affaire était entourée du plus grand secret. J'ai demandé à lire le rapport que j'avais moi-même rédigé ce soir-là. Et on me l'a refusé. Personne d'autre n'a eu le droit de le consulter. Mais on m'a montré un rapport tapé à la machine établissant qu'à exactement 23h23, 14 voitures de patrouille avaient reçu le signal d'alerte. Ce qui est totalement faux. Demain, rendez-vous avec le docteur Burkhard Nagel, auteur du film « Meurtre à Stockholm ». Avec lui, nous aurons l'occasion d'évoquer le travail qu'il a fait autour de cette mystérieuse affaire. C'était « Histoire vivante ». Documentation et archives à la Radio Suisse romande, Alain Freudiger. Programmation musicale, Yves Lenzi. Réalisation, Jérôme Nussbaum. Voix féminine, Daniel Zacker, une émission de Jean Leclerc. Nous vous disons à demain pour d'autres chapitres. Écoutez podcast sur histoirevivante.ch. La première, 14h.